À l'occasion du 17e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, le Parti national-socialiste de Roumanie a présenté le 30 mai un écrit dans leur page internet. Il a indiqué comme ce qui suit. La déclaration commune Nord-Sud, jalon de la réunification de la Corée, est adoptée le 15 juin 2000. Les actuelles autorités sud-coréennes doivent prendre une décision politique de l'amélioration immédiate des relations Nord-Sud pour la réunification du pays, vœu suprême de la nation coréenne.